Chapitre 17e. Comme tous les gens comprimés qui n'ont jamais eu d'autorité, Adolphe était très sensible au triomphe de sa volonté. Voir qu'on faisait ce qu'il avait demandé était pour lui la plus vive des satisfactions, celle qui le caressait dans sa vanité et l'exaltait dans son amour-propre. Aussi avait-il été très heureux et très fier de l'accueil que sa femme avait fait au peintre. Elle avait eu égard à ses désirs et s'était rendue à ses raisons. C'était vraiment une brave petite femme. Et pour lui témoigner sa reconnaissance et son plaisir, il avait voulu avancer l'époque de son voyage en Suisse. Mais au premier mot de ce projet, Madame d'Alifard s'était opposée à sa réalisation. Bien qu'elle eût ostensiblement abandonné sa maison de commerce, elle avait en réalité conservé la direction. Pendant l'heure qu'elle venait chaque jour passer à Paris, elle trouvait le temps de se faire rendre compte par les divers employés de toutes les affaires qui avaient une certaine importance, et elle indiquait, en quelques mots écrits sous sa dictée, la façon dont elle devait être traitée. Adolphe n'avait à exercer qu'un rôle de surveillant. Le véritable, le seul maître, c'était toujours Madame d'Alifard. En apparence, on semblait obéir au fils, mais toutes les fois qu'une circonstance sérieuse se présentait, on attendait la venue de la mère pour prendre une détermination. Cela se faisait discrètement et de telle sorte qu'Adolphe ne pouvait pas s'en fâcher. Le plus souvent même, il ne s'en apercevait pas. Si Adolphe avait manœuvré adroitement avec sa mère, il est très probable que celle-ci eût approuvé cette idée de voyage en Suisse. Mais dans son indépendance, il avait procédé franchement et Madame d'Alifard lui avait aussitôt démontré que ce voyage était impossible. La maison avait en ce moment plusieurs affaires très sérieuses qui nécessitaient sa présence à Paris. S'il s'absentait, ce ne pouvait être que pour aller pendant quelques jours à Amsterdam où l'appelait le règlement d'une faillite. Au lieu d'aller en Suisse, il était donc parti pour Amsterdam. Juliette avait voulu l'accompagner, mais il avait refusé de la prendre avec lui. Il voyagerait jour et nuit sans s'arrêter, et il était ridicule de s'imposer les fatigues du voyage sans en tirer aucun plaisir. « Si vous allez avec votre mari, avait dit Madame d'Alifard, vous ne pourrez faire autrement que de visiter les tableaux d'Amsterdam et de La Haye. Vous lui ferez perdre un temps précieux. Quand les intérêts d'une maison sont en jeu, on ne pense pas au plaisir. J'ai besoin d'Adolphe à Paris. » Le dimanche, comme à l'ordinaire, Errol était venu passer une partie de la journée à Nogent, et Adolphe lui avait annoncé son départ pour le lundi soir par l'express de Bruxelles. Pendant cette absence, Juliette, qui bien entendu n'avait que faire à Paris, devait rester à Nogent. Le mardi, après le départ de Madame d'Alifard pour Paris, elle vint s'installer dans son atelier pour passer là en toute liberté les 2 ou 3 heures qu'elle avait devant elle. Il y avait à peine 10 minutes que sa belle-mère était partie quand on frappa à la porte de l'atelier. Qui pouvait venir la déranger? Un domestique, sans doute. « Entrez, » dit-elle sans retourner la tête. Mais les pas qui résonnèrent sur le parquet n'étaient pas ceux d'un jardinier chaussé de gros souliers. Elle se retourna vivement. Errol, c'était le peintre. Elle s'était levée. Ils restèrent en face l'un de l'autre assez longtemps, se regardant sans rien dire. Enfin, le peintre prit la parole. « Veuillez me pardonner si je viens ainsi vous surprendre. » Elle ne répondit rien. « J'ai reçu ce matin, dit-il en continuant, une lettre qui va m'obliger à m'éloigner de Paris pour quelque temps. « Ah, vous partez ?»« Je dois partir. Alors, avant d'entreprendre ce voyage qui va durer je ne sais combien, j'ai voulu terminer ce tableau et je suis venu. » Elle le regarda. Il était pâle sous son teint bistré et ses lèvres étaient agitées par des frémissements. « Alors je vais vous laisser travailler, dit-elle en faisant un pas vers la porte. Mais il lui barra le passage et étendit la main vers elle. « Mon Dieu, dit-il, je vous serai reconnaissant de ne pas me laisser seul. Ce travail est œuvre de restaurateur plutôt que de peintre. Je procède par tâtonnement, par à peu près en cherchant ce qui est le moins mauvais, et je serais heureux, je veux dire, je serais bien aise d'avoir votre sentiment pour m'appuyer ou m'avertir. Mon sentiment a bien peu d'importance. Ah, je vous en prie. Dit-il d'une voix vibrante, plus émue qu'elle n'aurait dû l'être en prononçant des paroles si simples. « Alors je dois rester. » Elle alla s'asseoir sur la chaise basse où elle était placée quand le peintre était arrivé. Pour lui, il ouvrit sa boîte, prit sa palette, prépara ses couleurs et se mit au travail. Pendant plus d'un quart d'heure, ils restèrent silencieux, lui travaillant, elle tournant les feuillets d'un album. Puis tout à coup, il posa sa palette et ses brosses sur un tabouret, et brusquement, il vint se placer devant Juliette. « Ne trouvez-vous pas étrange ce départ précipité ?»« Je ne me permets pas de le juger, j'avoue cependant que j'en suis surprise. »« Surprise, n'est-ce pas ? Rien que surprise ? Moi qui vous l'annonce et qui l'ai décidé, je n'y crois pas. Et cependant, il doit s'accomplir, il faut qu'il s'accomplisse. Mais cela est dur, et cette résolution m'est cruelle à prendre. » De là l'émotion avec laquelle je vous parle et qui m'empêche de dire ce que je voudrais dire pour vous l'expliquer. Vous n'avez rien à m'expliquer. Pour vous, cela en effet peut être inutile, mais pour moi, il le faut. Vous voyez devant vous un homme cruellement tourmenté, plein d'inquiétude et d'angoisse, qui vous demande d'être indulgente pour sa fièvre, pour sa folie. Juliette voulut se lever, mais avec un regard qui la toucha au cœur, avec un geste qui la domina, il la maintint devant lui, la tête tendue vers la sienne, les yeux fixés sur les siens. « La première fois que vous êtes venue à Chennevières, reprit-il, je vous ai dit une partie de ma vie et je vous ai raconté comment j'étais arrivé à Paris avec mon tableau, ce tableau même que voilà. Mais alors je ne vous ai pas tout dit. Pendant le séjour que je fis à cette époque à Paris, je vis plusieurs fois une jeune femme, une jeune fille, qui produisit sur moi une impression profonde. Monsieur Erol. Il ne se laissa ni interrompre, ni imposer silence, et devant son regard, ce fut Juliette qui faiblit. Je ne lui parlais point, dit-il, et ce fut une sorte de vision, une étoile éblouissante qui passe dans un ciel sombre. J'emportais son image, et je mêlais son souvenir à mes rêves. L'amour, la gloire, ce fut pour moi une même espérance. Mais cette espérance ne se réalisa pas comme elle avait été conçue, elle se divisa. Je m'étais dit, réunissant et confondant mes espérances, que si mon tableau réussissait à me faire un nom, je reviendrais à Paris et me rapprocherais de cette jeune fille. Portée par le succès, j'aurais le droit de lui parler de mon amour. Vous savez quel accueil fut fait à mon tableau et de ce côté la réalité dépassa mes espérances. Je revins à Paris. Je pouvais parler, mais celle que j'aimais était mariée. Juliette avait baissé les yeux. Devant Erol, penchée sur elle, elle se tenait frémissante, ne pouvant plus parler, ne pouvant faire un geste pour l'arrêter. Il lui semblait que sous ses yeux scintillants qui la brûlaient, sous ses bras étendus vers elle qui l'enveloppaient, elle était fascinée. Un engourdissement délicieux et mortel la paralysait. Il reprit. Je repartis pour ma province et j'y restai à travailler. C'est ici que, dans ma vie d'artiste, se place un fait curieux dont vous avez peut-être été frappé, puisque vous connaissez presque tous mes tableaux. La femme est absente de mon œuvre. Jamais je n'ai peint une femme. N'avez-vous pas fait cette remarque ? C'est vrai. Pourquoi me suis-je imposé ce renoncement au côté le plus intéressant, le plus brillant de l'art ? C'est que pour moi, il n'existe qu'une femme au monde, ma vision, celle dont depuis 5 années je porte l'image, là. Il se frappa le cœur, et se retournant, il fit quelques pas dans l'atelier comme s'il avait peur de céder à son émotion et voulait se remettre. Juliette respira, mais ce moment de délivrance fut court, il revint vers elle. « J'aurais pu, n'est-ce pas ? » dit-il en continuant. M'inspirer de cette image et la reproduire dans tous mes tableaux. Elle était sans cesse devant mes yeux, et ma main, j'en suis certain, eut fidèlement traduit ma pensée. Mais, je vous l'ai dit, elle est mariée, et je n'ai pas le droit de crier mon amour à tout le monde. Personne ne le connaît, cet amour, pas même celle qui l'a fait naître. Car, bien que je l'ai revue depuis, bien que j'ai vécu avec elle dans une certaine intimité, je ne lui ai point dit que je l'aimais. Pourquoi l'auriez-vous dit, puisqu'elle ne pouvait pas vous entendre ? Elle ne pouvait pas m'entendre, c'est là ce que vous pensez, vous, madame, qui êtes femme, vous qui avez toutes les délicatesses du cœur, toutes les générosités. Sans doute, puisqu'elle est mariée. C'est ce que j'ai pensé aussi. C'est ce que je me suis dit, et voilà pourquoi je pars. Car je ne pourrais pas vivre plus longtemps près d'elle sans parler. Et vous me confirmez ce que je redoutais, elle ne peut pas m'entendre. » Il se cacha la tête entre les mains, mais presque aussitôt il reprit. « Cette situation est cruelle. Mais d'autres que moi ont supporté ces souffrances courageusement, et je pourrais peut-être faire comme eux. Connaissez-vous le sonnet d'Arvers ? C'est une plainte analogue à la mienne, et je l'ai tant de fois répété en travaillant que je veux vous le dire. Il vous exprimera mieux que je ne pourrais le faire ce que je ressens. Mon âme a son secret, ma vie a son mystère. Un amour éternel en un moment conçu, le mal est sans espoir, aussi j'ai dû le taire, et celle qui l'a fait n'en a jamais rien su. Vous voyez, la situation est exactement la même, elle n'a rien su. Et hélas, j'aurais passé près d'elle inaperçu, toujours à ses côtés pourtant solitaire, et j'aurais jusqu'au bout fait mon temps sur la terre, n'osant rien demander et n'ayant rien reçu. Pour elle, quoique Dieu l'ait faite douce et tendre, elle ira son chemin, distraite, sans entendre ce murmure d'amour élevé sur ses pas. À l'austère devoir, pieusement fidèle, elle dira, lisant ses vers, tout rempli d'elle, « Quelle est donc cette femme ?» et ne comprendra pas. Il se fit un long silence. Erol, debout devant Juliette, la voyait, frémissante d'émotion, respirer avec effort comme si elle étouffait. Il étendait les bras vers elle pour l'enlacer, puis il reculait de quelques pas, puis il revenait vers elle. « Croyez-vous, » dit-elle enfin d'une voix étouffée, « qu'on passe inaperçu de celle qu'on aime, alors qu'on est toujours à ses côtés. Mon Dieu, croyez-vous que cette femme, si elle a un cœur, suit son chemin sans entendre le murmure d'amour élevé sur ses pas ? Que dites-vous ? Je dis que cette femme, si elle est vraiment douce et tendre, entend ce murmure d'amour. Alors ? Alors, comme elle est fidèle à son devoir, elle plaint celui dont elle a involontairement troublé le cœur. Et volontairement, elle sympathise à sa souffrance. Mais comme elle ne peut pas la guérir, si ce malheureux lui annonce qu'il part parce qu'il n'a plus la force de la voir et de se taire, elle le laisse partir. « Oh non, Juliette, non, vous ne me laisserez pas partir. » Et de ses deux bras, qu'il tenait suspendus au-dessus d'elle, il l'enlaça. Elle voulut se lever, il la serra contre sa poitrine. Elle voulut parler, il lui ferma les lèvres par un baiser. Alors elle s'abandonna dans ses bras, et au baiser qu'elle avait reçu, elle répondit par un baiser long et passionné. Pendant quelques secondes, ils restèrent ainsi, les yeux dans les yeux, les lèvres sur les lèvres. Mais tout à coup, elle se redressa, le repoussa doucement, et sortant vivement de l'atelier, elle courut vers la maison.